autres. Donc, pour les personnes qui viennent pour la première fois au CIRA, mais je crois que presque tout le monde est venu, mais sinon on vous donnera toutes les infos, vous pourrez discuter après, on continuera la discussion autour d'un verre. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Georges Lapierre, qui était parmi nous, qui est passé là et qui nous a présenté son dernier livre, ce gros pavé qui s'appelait « Être pour Adam ». En réalité, c'est trois livres, comme il va nous le dire. Et parce que Georges Lapierre navigue entre Marseille, enfin, je ne sais pas si tu vas en bateau, entre Marseille et le Mexique. Plutôt en avion, oui. Ouais, plutôt en avion, donc la province de, alors je vais mal prononcer, Oaxaca, c'est comme ça que Oaxaca, oui. Oaxaca, bon. Oaxaca. Oui, tu prononces pas mal, parce qu'en général, le X, c'était le che. Voilà. Il n'existait pas en espagnol. Voilà. Donc, bon, après, tu nous diras tout sur la langue qui est parlée dans cette province. Donc, tu es l'auteur de plusieurs bouquins qui parlent souvent du Mexique, d'ailleurs. Alors, je suis remonté jusqu'en 87 avec L'incendie millénariste, écrit en collaboration avec Yves Deloise. Deloisy, oui. Deloisy, pardon, ouais, corrigez-moi parce que j'ai mal écrit. Donc, qui a été réédité, qui se trouve en ligne, qui a été réédité en 2011, qui a été édité par un groupe qui s'appelait Os Cangaceiros, ou Cangaceiros, parce que là, c'est du brésilien. Et c'était, et je crois que c'est un peu ton thème de recherche, c'est exalter la lutte des pauvres par rapport à celle des avant-gardes qui t'intéressent sûrement moins. Contre les riches, quoi. Voilà. Donc là, l'incendie millénariste, c'est les mouvements messianiques dans l'histoire, l'Europe, l'Andalousie, le Brésil, la Mélanésie. Après, on passe à 99 avec Rencontre avec des indigènes zapatistes. Donc là, on est dans une autre région du Mexique, qui a été publié par les éditions Reflex, puis 2001, Le mythe de la raison chez l'Insomniac, qui parle aussi du Chiapas, en 2002, Culture indienne en rébellion au Mexique, l'Insomniac. Donc tout ça, c'est des éditeurs qu'on aime bien, avec qui on est en contact régulier. 2008, La voix du jaguar, il nous en reste un, là, qui a été écrit en collaboration avec Ruben Valencia, David Benegas, chez l'Insomniac aussi. En 2008, La commune d'Oaxaca, précédée de Vive la commune, une préface de Raoul Van Egem, que vous connaissez sans doute. Et puis on arrive à Être ouragan, écrit de la dissidence, dont tu vas nous parler aujourd'hui. À toi la parole. Ah, on l'avait vu là. On l'a vu. Donc, c'est Georges qui a apporté ces exemplaires d'Être ouragan. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, il pourra vous faire un petit mot souvenir sur le livre à la fin. Ça sera, peut-être ça se vendra très cher plus tard, parce que vu tout ce qu'il a écrit, il va être sali. À toi la parole. Bon, alors, oui, ouais. Mais bonjour d'abord à tous les présents. Puis merci de m'avoir invité, merci au CIRA. Bon, là, je ne sais pas trop ce que... Mon intention, c'était plutôt de... Soit on parle d'un thème dans le livre, soit je fais une présentation générale du livre. On peut faire les deux. On peut commencer un peu rapidement par une présentation du livre lui-même, enfin, disons du bouquin, dans la mesure où il contient quand même... trois livres qui sont... je vais aller vite là-dessus sur la présentation du livre et puis après, bon, on essaiera plutôt de débat, de discuter sur certains thèmes que j'aborde surtout dans le premier livre. Mais on peut aussi parler du Mexique si vous voulez un peu, selon vos intérêts. Quoi. Donc il comprend trois livres. Bon, c'est quand même, on pourrait dire... qui se nourrit de l'expérience mexicaine, c'est-à-dire des peuples indiens, en fin de compte. Voilà, je suis allé au Mexique en 95 pour la première fois suite à l'insurrection zapatiste, et ce qui m'a en quelque sorte vraiment surpris et frappé, c'est l'existence des peuples indiens. J'avais quand même lu un peu, bon, l'histoire du Mexique, mais on en parle rarement, comme quoi l'histoire, finalement, on efface quand même pas mal de choses. On parle rarement des peuples indiens. Bon, les armées d'Hidalgo, on ne parle pas que ce sont les peuples Purépecha qui constituaient la force ou la chair à canon, si on veut, des peuples d'Hidalgo. De même, lors de la fameuse révolution de 1910, du mouvement zapatiste, là encore, on ne parle pas des peuples indiens du Morelos, et on parle à ce sujet-là, on dit, on dira, des révolutionnaires. Mais donc il est rare, finalement, dans cette histoire revue, on pourrait dire, dans cette histoire corrigée du Mexique, les peuples indiens sont vite passés à l'as, en quelque sorte, vite effacés. Un peu comme quand on efface sur les photos officielles des gens qui, etc. Voilà, donc ça m'a surpris. Donc à partir de ce moment-là, je me suis intéressé quand même à ces peuples indiens, à leur lutte qu'ils menaient, à leur résistance. Et pourquoi aussi, ils menaient cette lutte. Donc, c'est parti quand même du mouvement zapatiste. Et depuis, je me suis intéressé à ces luttes, je me suis rapproché des différents mouvements indiens, dont le Congrès national indigène, qui est quand même d'obédience zapatiste, c'est un peu le troisième livre. Je vous parle du troisième livre, parle de la fin, mais c'est quand même, cette fin, c'était quand même le commencement du bouquin. Et donc j'essayais de saisir ces luttes, plusieurs luttes de résistance qui sont actuelles, des peuples du Mexique, et ce sont quelques exemples que j'ai donnés. J'ai d'ailleurs intitulé ça Chronique des temps modernes, parce que je pense que ce qui se passe au Mexique, cette guerre de conquête, cette nouvelle guerre coloniale qui a lieu au Mexique, elle a lieu sur l'ensemble de la planète, en fin de compte. Elle existe aussi en Afrique, elle existe en Asie, elle existe aussi en Europe, elle existe en Océanie, elle existe partout. Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé Chronique des temps modernes. Et si je parle du Mexique, c'est parce que je connais à peu près, au mieux ce qui se passe là-bas au Mexique. Et là aussi, les quelques résistances que j'évoque dans ce dernier livre, c'est aussi celles que j'ai pu côtoyer un petit peu. J'ai essayé de les saisir aussi, ce qui m'apparaissait important, c'était de saisir ces moments de résistance et de lutte dans leur durée. Parce qu'en général, on a une vue trop présente de ces mouvements, comme si un peu trop spectaculaire, comme si d'un seul coup, l'événement éclatait, tout le monde s'intéresse à l'événement, comme ce qui s'est passé un peu avec les zapatistes en 94. Bah, tout le monde s'intéresse à ça, les journalistes arrivent, etc. Donc il y a tout ce côté un peu télévisé, spectaculaire, journalistique de la lutte, puis après on l'oublie. On ignore, on laisse le temps faire. Et pourtant, on s'aperçoit que non seulement cette lutte qui surgit à un moment donné à notre connaissance, qui devient visible, elle prend ses racines dans un lointain passé et elle se continue. Donc elle existe dans une durée avec des hauts et des bas. C'est tout un mouvement. Il faut penser que par exemple pour les zapatistes, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Alors pensez une insurrection qui dure 22 ans. Imaginons-la. Ça veut dire que quand même, ils ont des assises dans la réalité particulièrement forte, importante. Et donc, c'est le troisième livre, c'est un peu ce que j'essayais de saisir, c'est, j'ai parlé des résistances dans l'île de Tehuantepec, j'ai parlé des résistances des Huichol ou Urarica, qui sont plus au nord, j'ai parlé des résistances aussi dans le Guerrero, de la police communautaire dans le Guerrero. Bon, j'ai parlé des luttes des peuples triqui, du mouvement aussi des peuples indiens plus généralement dans dans l'état de Oaxaca, qui a commencé au début des années 80 et qui a connu, on pourrait dire, sa visibilité en 2006 lors de l'insurrection, lors de la commune de Oaxaca, mais qui touchait l'ensemble de l'État. Donc, c'est pas une petite chose. On sent que c'est un mouvement qui a de l'ampleur, qui se nourrit non seulement de son passé, qui a des assises fortes, mais aussi qui est porteur de quelque chose. Et ce quelque chose dont ces mouvements sont porteurs, ben, je me sens un peu concerné par ça. Et je me sens d'autant plus concerné parce que il propose, je dis, le mot alternatif, ça convient peut-être pas si bien que ça, mais il propose autre chose. Ils sont quand même, ils proposent pas de changer le monde capitaliste, et pas de, ils se placent pas tellement dans le courant, dans le devenir, dans l'histoire du monde occidental, chrétien, capitaliste, comme ils se posent plus en dissidence et en rupture avec ce monde-là. Ils proposent autre chose, ils construisent autre chose. C'est-à-dire, ils construisent une vie sociale en prenant des assises sur des traditions, sur des coutumes, mais en modifiant aussi ces traditions et ces coutumes en fonction des nécessités présentes. Donc, mais ils construisent une vie sociale autre, en quelque sorte. Et donc, c'est cette reconnaissance d'une vie sociale propre qu'il propose. Donc, je ne le supporte pas tellement comme on pouvait le faire ou comme l'a fait Marx, etc., dans le développement historique du monde, de notre monde. Il se situe en rupture avec notre monde, en dissidence avec notre monde. Et je pense que là, il y a un intérêt. On peut s'y reconnaître, mais on s'y reconnaît dans cette situation de rupture. Bon, voilà, je m'arrête sur le troisième livre. Bon, mais ça pourrait être l'objet d'une discussion entre nous, hein, si vous voulez bien. Maintenant, ça m'a amené aussi donc à me poser des questions en les côtoyant sur justement la représentation qu'ils pouvaient avoir de la réalité et de l'être. C'est-à-dire, en se situant comme ça, en rupture avec la vie sociale qu'on connaît, ils ont aussi une autre représentation de la réalité et de l'être que la nôtre. Et donc, je me suis un peu interrogé, ça c'est l'objet du premier livre, sur à la fois sur ce qu'est la réalité et sur les représentations que nous en avons. Là aussi, j'ai intitulé ce premier livre « Discours sur la réalité et les représentations que nous en avons ». Parce que, simplement, une réflexion, c'est simplement bon des hypothèses ou des thèses qui sont avancées. C'est donc un discours. La pensée se trouve ailleurs, à mon sens. Elle se trouve dans une pratique. C'est la pensée, c'est pas simplement ce que l'on écrit ou ce que l'on discute. C'est aussi, c'est un des points de départ. Elle est une réalité. Elle est une réalisation. Elle est une pratique de la vie sociale. Et par exemple, quand les apatistes parlent de la pensée critique face à l'hydre capitaliste, bien sûr, il y a eu des discours sur le monde capitaliste, sur ce qu'est le monde capitaliste. Mais en les écoutant, il y avait aussi, à côté de ces discours, parce qu'ils avaient invité des personnalités, différentes personnalités du monde mexicain, même au niveau international, ils avaient invité à discuter sur la catastrophe qui vient. Parce qu'il y en a qui parlent d'insurrection qui vient, mais d'autres de catastrophe qui vient, qui nous arrive. Donc, ils nous avaient invité à parler sur le monde capitaliste. Mais, après chaque session, c'est un séminaire, la subcommandante Moïse, et la subcommandante Galieno, plus connue sous le nom du sous-commandant Marcos, ils parlaient, ils disaient ce qu'ils pensaient, quoi. Et je m'avais frappé, c'est que le sous-commandante Moïse parlait de la difficulté de l'organisation zapatiste, au jour le jour. C'était au quotidien. Comment ils étaient amenés à résoudre les problèmes au jour le jour, pratiquement, d'une manière extrêmement pragmatique. Et je me suis dit, mais c'est ça la pensée critique face au capitalisme. C'est cette organisation sociale qui se construit au quotidien, au jour le jour. C'est là la véritablement expression de la pensée critique face à une autre pensée tout aussi pratique qui est la pensée capitaliste, qui elle aussi s'exprime d'une manière extrêmement pratique à travers tous les projets, à travers la construction d'un barrage, à travers la construction d'une mine à ciel ouvert dans un territoire indien, à travers la monoculture, à travers toute la production de marchandises et la vente de la marchandise, et c'est une pensée qui s'exprime pratiquement. Et c'est la véritable... Je pense que c'est la pensée dans sa réalité. Voilà. Et donc, je suis toujours au premier livre, même si... J'ai fait un petit saut du côté zapatiste. Mais parce que je pense que, effectivement, c'est la vie sociale, à mon sens, qui est la réalité de la pensée. C'est la pensée réalisée. Et donc, c'est à partir de la vie sociale que l'on connaît qu'on se forme des représentations collectives, là je fais allusion à Durkheim, sur la réalité ou sur l'être. Et donc, quand des anthropologues, parce que l'anthropologue, c'est finalement le sujet de l'anthropologie, c'est quand même l'autre, c'est-à-dire l'être humain, l'autre. Mais quand un anthropologue moderne comme Philippe Descola part d'une conception de l'individu qu'il dit universelle, alors qu'on se rend compte que sa conception de l'individu, c'est notre conception de l'individu, qu'elle n'a rien d'universel, pour ensuite définir les différents modes d'identification de l'autre, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous. Ou alors, c'est l'expression, au niveau d'un discours, d'un totalitarisme. Parce que, quel que soit l'individu comme séparé entre le psychisme et le physique, qui est défini comme le corps, ben, ça nous rappelle quand même aussi, bien qu'ils s'en défendent, la fameuse séparation entre l'âme et le corps qui était du chrétien. Et on se dit, mais cette représentation, cette conception de l'individu comme être séparé, on peut se demander si ça ne vient pas justement de la vie sociale que l'on connaît, que l'être humain connaît chez nous. C'est-à-dire où il y aurait justement l'existence d'une séparation à l'intérieur de la société entre ceux qui ont la pensée, c'est-à-dire la pensée de l'activité sociale dans son ensemble, et ceux qui sont soumis à cette pensée. Et donc, là aussi, il suffit de savoir la lutte de la ZAD, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, ou la lutte des Indiens du Chiapas ou de l'île de Tehuantepec contre des projets miniers ou d'éoliennes, pour ou de la lutte aussi à Tinco contre un aéroport, pour se dire qui a la pensée ici, sinon les capitalistes. C'est eux qui ont la pensée dans son ampleur sociale. Et cette pensée, et comme toute pensée, c'est une pensée spéculative. Et c'est ce qui décide de la vie des gens, aussi bien au Mexique qu'en France ou ailleurs, c'est bien, ça se décide dans les bourses de Londres, de New York ou de Paris. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait la représentation de l'individu comme être séparé entre, d'un côté, la pensée, et de l'autre côté, le corps. Et dans ce cas-là, c'est le corps social. Donc, cette représentation de chez nous, de l'individu, de l'être humain, comme elle s'est parée, ben, elle vient, elle prend sa source, elle prend son origine dans la vie sociale même que l'on connaît. Une autre présentation aussi de la réalité cette fois-ci, la réalité comme nature. Là aussi, on peut se dire, mais d'où vient cette représentation de la réalité comme nature, c'est-à-dire comme objet, comme quelque chose qui n'est pas humain. Voilà, on est une civilisation, c'est la première civilisation qui saisit la réalité, pour qui toute la réalité est une réalité non spirituelle. C'est une réalité objet, une réalité réduite à son physique, à son corps. C'est-à-dire que la nature, c'est ça. Si on réfléchit, on va au fond des choses, la représentation qu'on a de la nature, c'est donc la représentation d'une réalité sans pensée, réduite au physique. Et donc, on peut se demander si cette représentation d'une réalité réduite au physique, ça prend pas sa source dans une société, dans une civilisation esclavagiste, où, justement, le fondement, souvent méconnu, la base, le fondement de la société, est l'esclave. C'est-à-dire, là aussi, un être sans pensée, animé par une pensée qui n'est pas la sienne, la pensée du maître. Et c'est quand même assez surprenant que cette idée de nature va naître en Grèce, vers le 7e, 6e et 5e siècle, avant Jésus-Christ, au moment où peu à peu, suite à différentes réformes, l'esclavage va devenir le fondement de la société grecque. Et c'est aussi à ce moment-là que dans l'Asie mineure, à Milet par exemple, apparaissent les premiers, ce qu'on appelle les premiers physiciens, mais bon, mettons ça des guillemets, puis ce serait plutôt des métaphysiciens, où ils commencent à saisir la physis, ça veut dire nature en Grèce, où ils commencent à saisir la réalité comme selon le caractère physique. Voilà, en essayant de saisir comment va fonctionner le cosmos, en quelque sorte, sans la pensée. Sans la pensée des dieux, évidemment, mais sans la pensée. C'est-à-dire, ça apparaît en même temps le désenchantement du monde, petit à petit, comme si le spirituel se retirait de l'univers, de l'universel, on pourrait dire. Et il ne reste que les scories, c'est-à-dire le physique. C'est-à-dire un monde sans pensée, donc un monde naturel. Et ça, bon, voilà, à mon sens, nous, on est quand même les héritiers de cette civilisation-là, c'est-à-dire d'une civilisation esclavagiste. Et en regardant un peu les faits et les méfaits de notre civilisation de par le monde, on peut se demander si on n'est pas toujours une civilisation esclavagiste. Et donc, finalement, le concept de nature a quelque chose d'inquiétant, parce qu'on pourrait se demander justement si la nature que l'on a servie, parce que c'est aussi ça, un peu, la séance, c'est le contenu qui est donné à l'activité scientifique, quoi qu'il en soit, à part, effectivement, le côté, la science comme recherche théorique, sinon, c'est la servir, ce qu'on appelle la nature, à l'humain, à la civilisation. À travers, l'existence des bombes atomiques, ou des radiographies, etc., tout ce qu'on veut. Donc, de toutes les techniques scientifiques, de toute façon, toute la recherche scientifique est animée par une pensée qui consiste à asservir ce qu'on appelle la nature à l'humain. Et donc, on peut se demander, là aussi, en allant au bout d'une logique, si justement la nature que l'on a servie, c'est pas le corps de l'esclave que l'on a servi. Et que plus on a servi la nature, c'est ce qui se passe en fin de compte à notre époque, c'est plus l'homme que l'on a servi, c'est-à-dire nous que l'on a servi. Bon voilà, ça c'est le deuxième livre. Bon, c'est quelques éléments du deuxième livre. Il y a autre chose, on ne va pas, je ne vais pas vous vous dire tout le livre, parce que finalement, bon, ça ne vaudrait plus la peine de le lire. Donc, le troisième livre. Non, deuxième. Premier, c'est ouais, si c'est moi qui me perds. C'est moi qui suis perdu dans tout ça. Non, c'est bon. Celui dont tu n'as pas parlé. Ça va, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Citesse pour une brève histoire du capitalisme. Voilà, c'est ça. Alors là, bon, c'est plutôt bon. C'est, le texte est un peu amusant, le titre. Citesse pour une brève histoire du capitalisme. Bon, le sous-titre, c'est discours, là aussi. Bon, c'est pas autre chose qu'un discours. Et donc, ça demande à être critiqué, ce discours sur l'apparence comme réalité, c'est-à-dire sur notre monde. Et, ou la réalité comme apparence, comme vous voulez, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, c'est un peu un jeu, le titre, Citesse pour une brève histoire du capitalisme des origines à nos jours, ça fait... C'est un peu court pour quelque chose qui pourrait apparaître bien long. Mais l'idée, c'était d'essayer d'avoir une approche du monde capitaliste qui soit un peu, là encore, en décalage. C'est-à-dire qu'il soit encore un peu en dissidence, d'une certaine manière. Alors, plutôt que de saisir l'histoire du monde capitaliste, un peu comme on a fait, comment a pu faire le marxisme jusqu'à présent, en fin de compte, le millénarisme. Donc c'est un peu une critique de l'incendie millénarisme. L'incendie millénarisme a permis de saisir un peu certaines choses de l'histoire chrétienne. C'est de penser que le monde court à sa perte. Un peu. Que finalement, ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire la relation maître-esclave, va être résolue, cette opposition, à la fin des temps. Ce sera donc la fin de l'histoire. Et donc, toute l'histoire, et ça c'est l'idée chrétienne quand même, est la résolution de cette contradiction interne à l'humanité, qui est la relation maître-esclave. Mais oui, on comprend que Hegel ou que les chrétiens s'intéressent à cette histoire-là, parce que, quoi que même nous, on peut nous y intéresser quand même, parce qu'on se dit, bon ben voilà, on se trouve dans une situation maître-esclave, et c'est bon, on aimerait bien quand même, à un moment donné, que l'esclave s'émancipe de son maître, quoi. Et donc, que cette contradiction qui est la condition de départ de la civilisation esclavagiste, trouve sa résolution à un moment donné. Et donc c'est une pensée quand même assez chrétienne de penser, voilà, que l'histoire, que le monde tel que le connaît, notre monde moderne, que je définis comme occidental, chrétien et capitaliste, finit par sa résolution, qui finissent par résoudre, en fin de compte, sa contradiction qui est à son départ, quoi. À son point de départ. Ouais, j'espère que je bafouille un peu, mais bon, mais j'espère que vous me suivez quand même. C'est clair. Bon. Et donc, voilà un peu. Et là aussi, bon, j'essaie de me poser un peu en contradiction avec cette idée que le monde capitaliste, par exemple, puisqu'on est en train de creuser sa propre tombe. Voilà. Et qu'il finira bien par résoudre cette contradiction dont il est porteur. Donc, comment essayer de saisir donc un peu, de pas faire de l'histoire avec un grand H, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. Ne pas parler du négatif à l'œuvre, etc. C'est d'essayer de faire plutôt de saisir l'histoire sous son angle anecdotique, comme anecdote, comme des moments. Donc, c'est plutôt pointilliste. c'est par exemple, bon, on en a parlé tout à l'heure, bon, l'origine de l'esclavage, bon, au monde grec, au 6e et 5e siècle. Et là, par exemple, on peut se. Bon, il y a eu un ensemble de circonstances qui ont fait, qui ont créé, qui ont fait que l'esclavage devienne le fondement de la société grecque. La théorie, c'est des historiens, c'est de dire par exemple que Solon, qui était un réformiste en quelque sorte de l'époque, a libéré la paysannerie de la domination de l'aristocratie, de la dette qu'elle avait vis-à-vis de l'aristocratie. Moi, je me demande, en regardant d'un peu plus près, s'il n'a pas sauvé l'aristocratie des révoltes endémiques qu'il y avait des paysans, des petits paysans de l'Attique, en justement libérant le paysan de du tribut qu'il devait au grand propriétaire terrien. Parce que justement, la question de la terre était importante aussi à ce moment-là, et les grands propriétaires terriens risquaient fort bien, l'aristocratie terrienne dans l'Attique risquait fort bien de disparaître, d'être mis de côté par les mouvements de révolte des paysans. Donc, il a sauvé l'aristocratie en libérant donc les petits paysans des rapports de domination vis-à-vis des grands propriétaires, mais les grands propriétaires, à la place des paysans, ils ont acheté des esclaves. C'est l'apparition de l'esclave marchandise en Grèce. Bon, c'est vu un peu sous l'angle anecdotique. L'autre angle aussi, une question qu'on pourrait se poser, c'est la question de l'émancipation des grands marchands de l'État théocratique, des empires. L'État théocratique, on a l'exemple aussi bien avec l'Empire chinois, l'Empire égyptien, le sumérien, et plus près au Mexique avec l'Empire aztèque. Soustelle, il en parle justement de la situation des grands marchands. Les grands marchands apparaissent avec l'aristocratie. L'aristocratie, que ce soit celle des clercs ou celle des guerriers, c'est-à-dire de ceux de la classe de la pensée, celle qui justement a la pensée de l'activité sociale dans son ensemble. Mais cette classe de la pensée a besoin d'apparaître justement comme la classe de la pensée, comme la classe élue, celle qui a la pensée de l'activité sociale. Et donc, elle a besoin de marquer sa différence. Donc, elle a besoin de plumes pour marquer sa différence. En général, c'est un peu comme ça. On se met des plumes sur la tête ou partout pour, justement, apparaître différent du paysan macéoal qui marche pieds nus, etc. Et qui, bon, il a son vêtement de coton. Donc, ils vont faire appel aux grands marchands. Ils vont donner un grand marchand qui va aller chercher les plumes, l'or ou l'argent, ou d'autres produits de luxe ailleurs. C'est là qu'apparaissent les grands marchands qui, à un niveau capitaliste, on pourrait dire. Mais ces grands marchands, Pochteca, qu'on les appelait du temps des Aztèques, ces grands marchands capitalistes qui vont avoir des privilèges dans la société aztèque, comme ils ont des privilèges dans la société chinoise, ou égyptienne, ou sumérienne, surtout sumérienne. Ces grands marchands ils vont avoir leur quartier à eux, ils vont avoir même leurs tribunaux. Ils pourront même acheter des captifs aux guerriers, des esclaves en quelque sorte, qui pourront aussi sacrifier sur l'autel, on pourrait dire, de l'Empire. Mais ils ne devaient pas non plus dépasser leur rôle. Ils ne devaient pas devenir aristocrates pour longtemps. Leurs enfants pouvaient peut-être aller à l'école ou des guerriers ou des clercs, mais hors de question qu'ils soient eux-mêmes clercs ou guerriers. Donc, les marchands étaient contrôlés par l'État. Étaient contrôlés par, j'appelle moi, l'État théocratique. Ils avaient certains privilèges que n'avait pas le commun des peuples, mais ils étaient bien contrôlés. Et donc, je me suis dit, mais à quel moment les marchands se sont-ils émancipés du contrôle des États théocratiques? Et je me suis demandé si justement là aussi, un niveau aussi assez anecdotique, ça s'est pas passé à la fin du Moyen-Âge en Europe, ou dans l'Empire d'Occident justement, l'Empire d'Occident chrétien, ou l'Empire chrétien d'Occident, était trop affaibli pour pouvoir avoir la prétention de contrôler et de l'activité marchande. Et ce sont surtout les villes qui étaient peut-être un peu en marge de l'Empire chrétien d'Occident, c'est-à-dire les villes italiennes, les ports, Venise, qui justement se trouvaient à la croisée des empires, l'Empire orthodoxe, les empires musulmans, et se trouvaient donc à la croisée, et même, j'allais même plus loin jusqu'en Chine, se trouvaient à la croisée des empires qui ont pu, et face à l'intérieur d'un empire trop faible pour vraiment les contrôler, qui ont pu s'émanciper. En plus, il y avait aussi les villes hanséatiques du Nord, qui elles aussi se trouvaient plus ou moins en marge, difficilement contrôlables par l'empereur chrétien d'Occident, qu'il soit Charles Quint ou autre. Et voilà, et c'est à ce moment-là que les marchands sont véritablement émancipés du contrôle de l'État théocratique. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis à la conquête du monde, de la Renaissance. Donc voilà, c'est un peu ce genre de réflexion, un peu aussi en pointillé, qui permet peut-être aussi un peu de saisir notre réalité de manière un peu différente. Donc je me posais aussi la question en face de ça, d'où, si je dis que la critique ne vient pas du monde capitaliste lui-même, d'où peut-elle venir, en quelque sorte? Et donc, bon, voilà, la réponse est un peu contenue dans la suite, c'est-à-dire elle peut venir en rupture avec ce monde capitaliste, c'est-à-dire en construction d'autres formes de vie sociale qui ne sont justement, parce que le monde capitaliste, ce qui le définit, moi, à mon sens, c'est son aspect asocial, qu'il est destructeur de toute vie sociale réelle. Et que c'est en reconstruisant entre nous, en reprenant justement, en se donnant, peut-être au quotidien, petit à petit, peu à peu, en arrivant à reconstruire, ou alors on a déjà une vie sociale entre les mains, ce qui se passe avec les peuples sans État. Les peuples indiens du Mexique, même on peut trouver en Afrique, qui sont des peuples sans État à un moment donné. Bon, ils ont quand même des éléments, ils offrent des éléments d'une vie sociale en rupture, et qui avec le monde capitaliste, mais qui se confrontent justement au monde capitaliste. Le monde capitaliste est dévoreur de vie sociale. Et donc, c'est en quelque sorte un peu par cet aspect-là de dissidence par rapport au monde capitaliste qu'on peut espérer mettre fin ou le grain de sable dans cette machinerie qui détruit, oui, qui décompose. C'est une expérience que l'on fait au Mexique. Tous ceux qui ont côtoyé des peuples au Mexique se rend compte que l'activité capitaliste est réellement une activité destructrice de toute vie sociale. Et donc, c'est parce que toute vie sociale est aussi saisie comme un obstacle à l'activité capitaliste. Et donc, elle doit être emportée, elle doit être détruite. Toute forme de résistance, et que les résistances, c'est des résistances sociales qui se construisent socialement, sont perçues par le monde capitaliste comme des obstacles dont il doit se débarrasser. Et donc, en plus, on pourrait ajouter aussi à cela À cette question, effectivement, de dissidence, de rupture, on pourrait aussi ajouter une autre question qui vient à l'esprit, c'est celle de la diversité. Parce que on voit bien que le monde capitaliste, ça a été d'une certaine manière la poursuite d'une quête de l'un, de l'unité, du monothéisme, qui met pratiquement. C'est le côté universel du capitalisme, qui s'impose comme la domination de l'un. Et donc il crée autour de lui l'uniformité. Et on pourrait se demander justement que face à ce monde de l'un avec le là, on met majuscule OU de l'un, on ne pourrait pas justement opposer non pas un autre un, une autre unité, mais la diversité, la pluralité des vies sociales, des différences. Voilà, je vais m'arrêter ici, parce que je pourrais laisser quand même un peu la question au débat. Il y a encore bien d'autres choses dont on pourrait parler, parce que vous voyez, je n'ai pas mis tellement longtemps pour parler de tant de pages. Donc, il y a quand même... Voilà, mais je pense que là, on a déjà posé pas mal de questions, hein, et que, voilà, ça serait bon... Ça serait peut-être l'occasion de discuter un peu entre nous, quoi. Donc, la parole est à vous. S'il vous plaît. Oui. Dans tous les pays modernes, il existe souvent une différence de pensée entre le Nord et le Sud. Et lorsqu'on parle à un Mexicain contemporain, moderne, est-ce qu'il est aussi facile de parler de Pancho Villa que de Zapata? Je ne sais pas qu'il est facile, va peut-être répondre. Non, je crois. Parce que le Nord et le Sud, il y a des différences quand même essentielles entre les deux. Il y a des différences au Mexique. Je vais répondre puisqu'il ne veut pas, mes collègues ne veulent pas répondre. C'est toi qui parles. À moins que ce soit une question. À mon sens, la question importante au Mexique, c'est que au sud et au sud-est du Mexique, il y a beaucoup de peuples indiens qui ont survécu à plus de 500 ans de colonisation. Au nord, il y en a encore quelques peuples indiens. Il y a les Rarámuri, par exemple. Il y a les Kokupa, il y a les Mayos. Il y a d'autres peuples indiens, mais qui ont souffert pour différentes raisons, qui ont souffert quand même de la colonisation. Ils existent toujours, mais pas avec cette densité que l'on trouve au sud. Si bien qu'il y a quand même au Mexique une coupure entre le nord et le sud. Le nord, qui est beaucoup plus envahi par l'activité capitaliste, et puis bon, le grand voisin du nord, la crise des États-Unis, qui pénètre le Mexique, il continue à le pénétrer, on sent bien une sorte d'envahissement du monde capitaliste, de l'activité capitaliste venue du nord et qui progresse dans le Mexique. Et c'est encore les États qui se trouvent plus au sud qui sont capables encore de chercher à résister à cette implacable avancée. En particulier le Guerrero, l'État de Oaxaca et l'État du Chiapas. Donc voilà, ça se ressent. Il manque une carte dans le livre. Il y a une quelques cartes qui manquent, mais c'est vrai que... Parce que là, on a toujours besoin, quand on parle des peuples, de les localiser. Je ne sais pas si tu localises à ta question, mais voilà, c'est un peu la question. Oui, dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'au Mexique, on s'aperçoit qu'il y a les mêmes problèmes que dans d'autres pays. C'est-à-dire entre l'industrie et entre, l'ouvrier et le capitaliste. Oui, bon, ça se voit en Italie. En Italie, ça ressemble beaucoup. Ah, ouais. Et c'est intéressant pour les mouvements qui sont, dans un mot facile, révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire qu'il est plus facile qu'une révolution parte du Sud que qu'elle parte du Nord. C'est-à-dire que le Sud a conservé souvent encore un caractère paysan, attaché à la terre, avec des petites communautés paysannes, donc un caractère social encore fort, et qui arrive à qui résiste tant bien que mal à cette décomposition de la vie sociale. Mais pour différentes raisons, je ne sais pas trop pourquoi. Ben, l'opposition nord-sud, à l'époque de la Première Internationale, des gens disaient que l'anarchisme avait plus touché les peuples du sud que ceux du nord. Il y avait déjà eu des... À l'époque, je ne sais pas si c'est... Bon, après, il n'y a pas de règles sur la planète entière, mais... Après, il y a des raisons économiques derrière aussi, bien sûr. Le titre « Être ouragan », c'est quelque chose d'un mythe mexicain, ou c'était tiré de quelque chose de précis? Oui, Mais ça marque un peu, ça vient d'une citation qui a été tronquée d'un Indien justement qui était présent à Vicam. C'est-à-dire que les apatistes en 2006 avaient convoqué les peuples indiens du continent américain à Vicam, dans le Sonora, dans le désert de Sonora, au nord justement du Mexique. Où il y a une présence forte d'un peuple important qui a souvent qui a cherché à résister quand même à l'État mexicain, c'est le peuple Yaqui, sont les Yaqui. Et donc il y a eu cette invitation, il y a beaucoup de délégués de différents peuples, aussi bien du nord que du sud, qui sont venus. Et c'est une citation d'un. Je ne me souviens plus du nom du peuple, enfin bon, de Costa Rica. Qui disait, bon, je crois que nous devons nous transformer en ouragan, en tsunami, en blizzard, pour mettre fin à ce monde des blancs ou des capitalistes. Ou des... On retrouve cette expression d'une manière aussi spontanée parmi les parents, chez un parent des 20. Des 43 disparus de Ayotzinapa, l'étudiant du Guerrero, qui dit, bon, il est temps de nous transformer en tourbillon de vent, en tsunami, pour balayer toute cette racaille qui nous fait tant de mal. Donc, on sent là, justement, ce moment, voilà, le ras-le-bol, en quelque sorte, qu'il faut puiser dans des forces énormes, cosmiques, en quelque sorte, pour pouvoir enfin se débarrasser de tous ces gens qui nous font tant de mal. Quoi. Et donc, ensuite, le côté cyclone, ouragan, c'est aussi, ça fait partie des mythes préhispaniques, et en particulier de Quetzalcoatl, qui est souvent représenté dans le sud, Cucuclán. Cucuclán, c'est la représentation du Quetzalcoatl du nord, et ça va donner le mot ouragan. Et c'est la représentation cyclique du caracol, de l'escargot. Et voilà, qui aussi, qui est une représentation cosmique aussi de la réalité. Donc, ça fait allusion à deux choses, comme quelque chose. À ce fondement de Vicam, des peuples, et à ce fondement de la civilisation préhispanique. Okay. Peut-être pas. Oui. Pourquoi vous avez choisi le Mexique? Pourquoi je suis allé au Mexique? Non, pourquoi vous parlez du Mexique? Parce que j'y suis allé. Oui. Non, je pourrais parler, bien sûr, de la France et tout ça. Mais parce que pour moi, ça a été une grande expérience, une forte expérience humaine, avant tout. Et voilà, c'est pour cette raison. Je parle. Et vous avez mis combien de temps à écrire le livre? Moi, je pourrais dire que j'ai mis ma vie à l'écrire en quelque sorte. Ouais. Mais, parce que bon, et toute lecture et tout ça. De l'autre côté, bon, ça s'est fait petit à petit, sans trop de. Sans trop de travail, sans trop d'acharnement. Parce que le dernier livre, par exemple, c'est beaucoup des textes que j'avais. que j'avais envoyé un peu sous forme d'article à travers Internet, qui ont pouvoir eu dans des, un site comme La Voix du Jaguar, ou des choses comme ça. Donc c'est, le troisième livre s'est fait en quelque sorte tout seul, coup de route. Le premier livre, c'était parti d'une lettre. J'avais, parce qu'un ami m'avait envoyé le livre de Descola, par de la nature et culture. Et donc, j'avais apprécié Philippe Descola, l'anthropologue de Nantes du Crépuscule. Il avait son livre là qui était paru dans Terre humaine, etc. Que vous connaissez peut-être, de Nantes du Crépuscule, où il parle du peuple Achois, etc. Et donc, qui est très bien écrit, et qui parle des peuples de l'Amazonie, et qui le parle d'une façon intéressante. Ensuite, un autre copain m'avait envoyé un texte de lui concernant, qui était paru dans une revue scientifique qui s'appelle Recherche, où il posait la question sur le concept de nature, où il disait que pour nous, que ce concept de nature n'existait pas chez les peuples d'Amazonie ou du Grand Nord. Et donc, il disait que c'était une construction sociale pour nous. En fait, bon, c'était une construction sociale. C'est une construction sociale pour nous, effectivement. Donc, il m'avait intéressé. Je trouvais, bon, finalement, une sorte de rencontre. Mais, dans son livre, beaucoup plus épais, qui dit Au-delà de nature et culture, j'ai l'impression que ce qu'il avait chassé par la porte, c'est-à-dire le concept de nature, il revenait par la fenêtre, quoi. Et donc j'avais commencé un peu à écrire à cet ami-là, pour critiquer le livre. Et donc le premier livre est parti de ça. Bon, mais cette critique de Philippe Descola s'était étoffée au fur et à mesure que j'écrivais. Et puis ensuite, je l'ai un peu mis de côté, marginalisé, pour parler d'autre chose. Mais voilà, donc c'est le deuxième livre que j'avais écrit dans l'idée de publier. Donc je l'avais envoyé à différentes maisons d'édition, à trois maisons d'édition. Et c'est l'insomnia qui m'a répondu positivement et qui m'a demandé, mais comme ce livre est très court, il m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas autre chose pour étoffer un peu le premier, voilà. Et donc je suis sauté sur l'occasion et c'est deux autres livres, c'est un bon bouquin. Mais pour reconnaître le courage des éditions de l'insomnia, encore de publier des textes bouquins comme les tiens, pour un prix de 20 euros quand même, c'est quand même pas cher. Après c'est une maison bien sûr complètement militante qui ne cherche pas le bénéfice, il faut le rappeler. C'est des gens qui font tout ça pour la diffusion des idées. Des idées qu'on ne voit pas sur les tables des libraires en général. Quoi. Il y avait dans le texte de présentation puis dans ton exposé, il y avait l'idée de spiritualité. Alors c'est vrai que tu avais l'air de dire un peu que c'était un peu la différence entre nos sociétés occidentales et puis les peuples d'autres pays, du sud ou de l'est ou de l'ouest, parce que le Mexique c'est pas trop au sud par rapport à nous. Mais quelle importance ça tient même dans leur lutte, ou alors que nous, effectivement, l'idée de religion, peut-être parce qu'on est de plus en plus loin de la nature, je sais pas, mais c'est des idées qu'on a mis au placard depuis un siècle, alors que là, on sent quand même que chez les peuples mexicains, c'est encore vachement important. Mais spiritualité, c'est pas forcément religieux. Voilà, c'est aussi quand je voudrais qu'on parle de ça. C'est ça. Parce que est-ce que, par exemple, au Chiapas, ils ont abandonné le christianisme, ou est-ce que c'est toujours, ou est-ce qu'il y a des prêtres qui ont rejoint la lutte, et comment se mélangent les spiritualités locales et les religions importées, quoi. Oui, mais c'est, moi, mon sens, la spiritualité, bon, là, vous pouvez en profiter pour leur montrer, tiens, en fait, quand j'avais fait voilà, une petite brochure comme ça. Bon. Parce que je m'étais quand même interrogé pour s'intituler Les ours prennent souvent la forme humaine. Voilà. Bon, c'est une façon de parler de spiritualité, peut-être. Parce que. Pour beaucoup. D'abord, je me demande si. Bon, c'est vrai que c'est la différence entre le sacré, c'est déjà sa marque. Alors, les religions, l'idée de sacré, ça marque déjà, à mon sens, une séparation. Au départ, la spiritualité est directement pratique. Est directement pratique. C'est bon, ça peut être au niveau du rituel. Par exemple, vis-à-vis de le chasseur, vis-à-vis de l'animal, il va pas, il va faire un rituel qu'il a tué. Parce que pour lui, il y a un rapport avec l'animal. Il y a déjà eu une négociation au départ. Il y a un échange. Donc, l'animal tué, apporter directement un rituel pour les os, etc., pour sa mort. De la même chose, une plante médicinale ne va pas agir en elle-même. Elle n'agit pas toute seule. Pour la mentalité. Primitive, mais aussi, on se rend bien compte que tellement les plantes, les médicaments, ils n'agissent pas non plus tout seuls. Il a fallu faire des médicaments. Mais bon, là, pour la pensée originelle, primitive, il faut faire un rituel pour mettre la plante dans de bonnes dispositions. Et c'est que si elle est dans de bonnes dispositions, la plante, qu'elle va agir sur l'individu qui va la prendre. C'est-à-dire qu'elle va le guérir ou faire quelque chose. Bon, voilà, si c'est une plante médicinale. Qui va l'empoisonner, si on a envie que ce soit le poison qui agit. Donc, il y a cette idée. Au départ, peut-être de la pensée, qu'on a affaire, on n'a pas affaire à des objets en face de nous. On a affaire à des sujets. Ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des humains, on a affaire à des êtres. Donc à des êtres animés par une pensée, animés par une spiritualité. Et donc, que ces êtres, que ce soit une rivière, à traverser, que ce soit une forêt, que ce soit un arbre, que ce soit une plante, que ce soit un animal, avec ces êtres, on doit avoir rentré dans une relation. Et que cette relation, c'est pas une relation de domination qu'on va avoir avec eux. C'est pas une relation de sujet à objet. De sujet à non-sujet. Mais c'est une relation de réciprocité. Et donc, on va tenter face à ce qu'on considère comme des êtres spirituels, on va créer, on va construire une relation. C'est une relation construite. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourrait dire que la pensée originelle repose justement sur une spiritualité. Mais une spiritualité qu'on pourrait dire pratique, qui est avant tout la reconnaissance d'un monde spirituel. C'est-à-dire d'un monde de sujets, d'un monde où à chaque relation, c'est une relation animée par la pensée, animée par une pensée de l'échange et de réciprocité. Voilà, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut prendre le terme de spiritualité. Okay. C'est-à-dire qui donne justement à la relation, à ce qu'on appelle notre environnement, mais tout le respect, en fin de compte, qui est le respect que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, enfin, finalement. C'est-à-dire, il doit y avoir une dimension historique quand même qui joue chez l'individu, parce qu'il y a une différence entre les Indiens du Mexique et les Indiens du Brésil, par exemple. Il y a une différence essentielle. Pourquoi ne lui penser ? Est-ce qu'au Mexique, dans les anciennes, une époque ancienne, est-ce que les Indiens au Mexique prennent quelquefois des références sur l'histoire du Mexique ancienne? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Indiens du Brésil sont presque des indigènes, vous voyez, il n'y a aucun, c'est un mot qui est gênant, alors que les Indiens du Mexique ont un passé, les Incas, les Mayas, ce que vous voulez, vous voyez, c'est-à-dire que ouais. Cette portion d'Amérique est différente. Mais je pense que la différence que tu signales, c'est finalement peut-être la différence sur le plan d'une organisation sociale, de l'organisation voilà sociale. Hein? Parce que on pourrait dire que il existe encore aujourd'hui sur le même monde du temps, il y a des sociétés qui sont des sociétés sans État, et donc on pourrait parler à ce sujet-là de sociétés originelles en quelque sorte. Qui sont des sociétés sans État. Il y a des sociétés qui ont connu un État, c'est-à-dire c'est des sociétés beaucoup plus complexes, qui ont déjà un passé historique, une histoire. Les autres ne savent pas dire qu'ils n'ont pas d'histoire, mais déjà, il y a l'histoire d'une constitution d'une société complexe, c'est-à-dire une société où rentrent en relation des peuples, on pourrait dire, qui au départ étaient sans État. Moi, j'explique la naissance de l'État, bon, un peu. Bon, là aussi, j'en parle un peu dans le livre, dans le premier, je pense, comme le moment où va se créer une séparation. C'est-à-dire, il y a des sociétés, deux peuples qui se rencontrent. On a l'expérience un peu partout, en Afrique, sans doute en Europe aussi, mais ça, c'est déjà un passé assez reculé. Un peuple nomade, par exemple. Qui est donc une culture nomade, qui est guerrière ou non, pas nécessairement, et un peuple sédentaire, agriculteur, etc. Et c'est la rencontre de ces deux peuples qui sont complémentaires dans une certaine mesure, qui va commencer à créer une société beaucoup plus complexe, puisqu'une société qui va être composée de deux éléments différents. Un élément qui a une culture nomade, des traditions, des rituels, en relation avec le nomadisme, souvent avec le cueilleur, ce qu'ils appellent les anthropologues cueilleurs-chasseurs, etc., et des sociétés d'agriculteurs qui sont plus sédentaires et qui ont une autre culture. Et donc, c'est un moment d'une société, déjà, avec État, qui s'organise, ou à condition, effectivement, que ces deux formes sociales soient unies, souvent, par une clé de voûte qui est le roi sacré, par exemple. Et qui maintient unis deux composantes, on pourrait dire contradictoires. C'est pour ça que j'ai parlé à un moment donné de dualité, de couple dans certaines sociétés, comme la société mexicaine, aztèque par exemple, est ce type de société. C'est une société, un empire théocratique qui s'est constitué avec deux formes de vie sociale différentes, une vie sociale de langue nahuatl ou chichimec, des Indiens venus du nord, qui étaient nomades, dits chasseurs-cueilleurs, etc., qui ont rencontré des peuples sédentaires, autochtones, etc., comme les Otomis ou autres, et qui, ensemble, vont former une nouvelle société, une société beaucoup plus complexe, avec, chapeautée, en quelque sorte, par l'empereur, qui, en général, est pris dans la société nomade, guerrière, mais qui a transgressé les tabous de sa société nomade et qui est donc au-delà de la société nomade et qui peut chapeauter deux peuples différents. C'est pour ça que souvent, dans ces sociétés, ce qui compte, ce qui est perçu, c'est la dualité. C'est la fusion des contraires, c'est-à-dire la fusion, par exemple, du ciel, du soleil et de la terre, de l'humidité. Donc c'est la fusion des contraires qui crée une nouvelle société. Donc ça c'est déjà des sociétés historiques. Donc effectivement, là aussi, cette rencontre de deux peuples, c'est un peu anecdotique, cette rencontre, elle n'est pas obligée. Mais ce qui fait que les Mexicains ont quand même connu au moins ce passé préhispanique d'une société complexe. Donc ils sont différents des peuples de l'Amazonie, qui sont des peuples sans État et qui n'ont pas connu cette histoire-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils l'auraient pas, ils l'ont connu. Mais les autres, avant de connaître cette histoire de relations complexes, ils étaient aussi des peuples sans État. Donc, si on balaye les cadres de la domination, ce qu'a fait un peu l'arrivée des Espagnols, Ils ont tendance à revenir un peu en arrière, au stade où ils étaient des clans, des tribus, c'est-à-dire des mondes sans état. C'est pour ça que le monde est extrêmement complexe. Pour en saisir la complexité, il ne faut pas avoir peur de la confusion, quelquefois. Et là, j'ai peur de temps en temps d'être confus quand j'essaie d'expliquer. Mais voilà, prendre le temps, la patience de saisir les choses dans leur complexité. Et en sachant que cette complexité, qui peut être proche de la confusion, je pense qu'elle vient finalement, elle vient d'une histoire, on pourrait dire, presque anecdotique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans l'histoire, des peuples se rencontrent et qu'il y a des peuples qui peuvent se rencontrer sans véritablement former des États. Par exemple, les Touaregs et ce qu'ils appellent la caste des artisans, des forgerons, c'est sans doute un autre peuple. Ils sont bien, il n'y a pas de roi sacré, il n'y a pas d'État. Mais il y a une complémentarité entre ces deux peuples. De même avec les Toubous, qui est un peuple noir aussi, du désert, qui est nomade, qui est proche, qui a la même forme de vie que le peuple Touareg, mais qui est noir, et qui se trouve aussi en relation, on a le nom du peuple, c'est les Haza, mais qui sont plus sédentaires, et qui forment une société complexe, sans avoir une royauté sacrée qui les domine. Par contre, chez les Tutsis et les Hutus, on a entendu parler avec le massacre, voilà, et Tutsis et Hutus, par contre, aussi qu'il y avait deux peuples, les Tutsis qui formaient comme une aristocratie éleveurs de bétail, etc., et les Hutus, qui étaient plus la paysannerie, eux, ils sont entrés en relation, et il y a eu la création de la royauté sacrée, à un moment donné. Et donc, il y a maintenu, on pourrait dire, ces deux peuples unis, en quelque sorte, les Tutsis, et Hutus, sont trop d'histoire, jusqu'à ce qu'intervienne la colonisation belge et française. Est-ce que malgré la colonisation espagnole, au Chiapas, c'était maintenu des traditions de société sans État? Parce que je me souviens, vieux souvenir de lecture, Travène, avec cette fameuse anecdote du chef qu'on met sur un fauteuil percé, on allume un feu dessus pour te montrer, ouais, t'es chef, mais le symbole, t'assieds pas trop longtemps sur la chaise parce que le pouvoir, ça brûle et il faut passer à autre chose. Alors, est-ce que c'était vrai ou, oui, mais... et dans les luttes actuelles au Chiapas, on parle toujours des sous-commandants, machin, donc est-ce que ça joue un rôle d'avant-garde ou est-ce que c'est par rapport au peuple ou est-ce que les décisions sont vraiment prises collectivement? Comment ça se passe un peu, quoi? Là aussi, on touche toujours à la complexité que je côtoyais en essayant de garder votre attention, mais c'est pas toujours facile de garder l'attention quand on s'amuse à rentrer dans le détail des choses. Mais je pense que dans certaines régions de la forêt, la Candone, etc., il a pu exister des peuples, des sociétés sans État qui ont échappé à l'empire aztèque, qui ont échappé à l'idée des seigneuries ou à l'empire maya, parce qu'il y a eu l'empire maya aussi. Donc, un peu dans le sens dont je parlais. Et donc, ils ont pu échapper, mais quand même aussi, ils ont pu revenir. Donc, on sent dans beaucoup de villages indiens qui... Et là aussi, si vous voulez, on va en parler là aussi. Bon, un peu de l'histoire d'un peuple, d'une civilisation, d'un village. Parce que comment aussi un village, une collectivité est capable de détourner à son profit, on pourrait parler des cadres de la domination. Parce que si on voit dans beaucoup de villages, Il y avait une structure de domination, puisqu'il y avait un peuple dominant qui était le peuple aztèque, par exemple, qui dominait les paysans, les macéwals, qui peuvent être d'origine zapotèque, ou zoké, ou voilà, ou, il y a beaucoup, voilà, ou mixtèque, etc., qui dominaient. Donc il y avait une forme d'aristocratie. Ils constituaient, on pourrait dire, les cadres de la domination, qui dominaient les peuples autochtones. Il existait du temps. Quand les Espagnols sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, c'est de s'emparer de ces cas de la domination. Alors, par exemple, un mot, et c'est intéressant de voir comment les peuples finissent par détourner justement leur profit, les éléments qui constituaient la domination. Par exemple, le mot tekyo, C'est un mot qui vient du nahuatl tekis. Et tekis, c'était le travail dû à l'empereur, par l'intermédiaire, justement, du noble qui se trouvait ici, qui était le représentant de l'empereur. Bon, pour le tribut à fournir à l'empereur aztèque. Soit le tribut en maïs, le tribut en chocolat, s'il y avait du chocolat, ou le tribut en différentes formes. Donc, c'était le tekis, le travail, donc, était destiné à l'empereur. Ensuite, arrivent les Espagnols. Eux, ils s'emparent là encore des cas de nomination. Et le tekio, c'est plus le travail dû à l'empereur aztèque, mais c'est le travail dû à l'Église. À l'Église catholique. La construction de l'Église, la construction des chemins, etc. Travail dû à l'Église. Et puis, évidemment, petit à petit, l'Église s'éloigne parce qu'il y a eu des problèmes avec l'État, etc. Elle n'est plus aussi présente. Et les peuples qui se sont fait, ils ont récupéré cette institution du tekyo, du travail, pour refaire le travail au service des gens. Donc, ce qui était un travail au service des éléments de domination est devenu un travail au service des gens. C'est le tekyo, c'est... Dans la majorité des cas des villages indiens, les gens participent au tekyo. Ça peut être le travail du champ commun pour les veuves, les orphelins, etc. Bon, etc. Donc, ça veut dire, on va cultiver le terrain tous ensemble, mais le produit sera destiné à ceux qui en ont besoin. Donc tout le monde s'y met. C'est le travail vu comme une récréation. C'est bon, on y va ensemble et ça, on fonce, on va vite, on sème, on récolte à toute vitesse. On travaille tous ensemble, tout le village s'y met. Voilà, ou ça peut être un travail sur plus de longue haleine. On a l'idée de faire un chemin, donc on va faire un chemin et on va y participer toutes les fins de semaine, tous les samedis. Tout le monde participe au tekyo une fois par semaine, et ainsi de suite. Donc, voilà comment quelque chose qui était de l'ordre du pouvoir a été détourné par les gens pour devenir. Donc, c'est intéressant de voir les choses un peu dans leurs détails. Et même quitte parfois à être un peu confus. Quoi. Je vois bien ce que vous dites. Ah, il y a un marqueur. Les amabilités. Pour revenir à l'histoire de top 5 États qui ont résisté, est-ce qu'il y a un peuple en Amérique, dans les Amériques, qui a jamais été colonisé? C'est le peuple Mapuche. Il a aussi bien résisté aux invasions des empires amérindiens que de l'empire occidental. Et bon, ils sont venus plusieurs fois à Marseille et tout. Et je pense que ce qui leur a permis, bon, déjà, ils étaient loin, ils étaient bas dans le sud des Amériques, de tout ça. Je pense que ce qui leur a permis, je pense, de résister, c'était leur organisation sociale, qui n'était pas une organisation sociale étatique, et qui n'était pas une organisation sociale basée sur la propriété privée. Parce que ces deux faits-là ont été très importants dans leur résistance. Après, bon, je ne suis pas assez spécialiste, etc. Mais il y a quand même eu des peuples qui n'ont pas été vraiment colonisés. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que ce peuple-là actuellement est encore en lutte justement contre il est chilien, donc il est sur le bas du Chili, il est sur une partie de l'Argentine et tout. C'est un peuple qui est beaucoup en lutte contre justement l'idée de la nature qu'on se fait en Occident, c'est-à-dire que c'est une nature qui doit être productiviste, qui doit être rentable, qui doit être... Et donc actuellement, l'Occident, des Occidentaux, des groupes capitalistes occidentaux, prennent le territoire mapuche comme un nouvel Eldorado. Et c'est vrai que... Benetton. Pas que Benetton, oui, il y a plusieurs et tout, il y a l'extraction de bois, il y a... Et c'est vrai qu'ils sont de nouveau en résistance, et c'est vrai que de nouveau ils opposent à cette forme de colonialisme une résistance qui est farouche, moi je trouve, parce qu'ils ne sont pas armés, mais stratégiquement et tactiquement ils sont d'une habileté. Et quand on voit de près leur mode d'organisation et la façon dont ils essayent de contrer ces avancées-là, c'est vraiment assez... Je trouve que c'est important. C'est des trucs qu'on ne connaît pas assez ici. Parce que tout à l'heure, tu parlais de résistance, de dissidence et tout. Mais pour parler de ça, il faut pouvoir s'appuyer sur, moi je pense, sur des cas concrets. Parce que dissidence, résistance, tout ça, partout il y en a. Bon, aujourd'hui, il y a un autre bon signe, c'est qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Donc ça, c'est peut-être un autre bon signe aussi, d'une dissidence et d'une résistance. Mais sur quel type d'organisation sociale on peut se baser actuellement, c'est, je reprends un peu ce que tu disais au début, pour pouvoir résister au boulot compresseur capitaliste, mais qui est surtout un boulot compresseur du productivisme, de l'utilitarisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que la science, ça sert à servir, parce que la science, ça sert à connaître. L'asservissement, il vient d'autres parties de la société, si tu veux. C'est pas parce que tu connais que tu as servi. Je pense que ça, il faut pas faire cette relation-là, si tu veux. Mais c'est se poser la question, c'est comment ça peut nous servir, en quoi ces luttes-là peuvent nous servir. Et parce que je pose aussi cette question, parce qu'on est dans nos sociétés ici où il y a des replis identitaires, où il y a des replis autour de la nation, de la patrie, de l'État. Et est-ce que cette solution que beaucoup de gens pensent prendre, est-ce que c'est une solution émancipatrice, ou est-ce que la solution émancipatrice n'est pas à voir dans ces genres de résistance, que ce soit chez les Mapuches, au Chiapas, dans le Guerrero, dans des parties en Occident, dans les zones multiples, comme à Notre-Dame-des-Landes, à Sibens, comme en Val-Souza et tout. Parce qu'il faut relier tout ça et être, comment dirais-je, en tirer quelque chose de positif, quoi. Oui, je viens de parler de Mapuche, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis à leur sujet. C'est un peuple qui a su résister, qui continue à résister. Mais là on voit à quel point justement, comment l'indépendance du Chili par exemple a pu être une tromperie, parce que les peuples Mapuche a été honoré au moment de l'indépendance, les héros Mapuche, comme justement les héros de la résistance au colonialisme. Et à partir du moment où l'État chilien a été indépendant, il s'est bien gardé de respecter les Mapuche, d'essayer de les réduire beaucoup plus que l'avait réduit le colonialisme espagnol. Donc, et c'est de rappeler toutes ces résistances. Et c'est bon, mais c'est un peu le but du livre, c'est de rappeler justement qu'il existe au monde des résistances, des luttes contre, mais qui partent d'eux-mêmes en quelque sorte, qui partent de leur propre vie, des luttes tout à fait pratiques, et qui, bon voilà, et qui, ben alors, maintenant, et jamais ils se posent comme donneurs de leçons. Jamais. C'est donc, faut bien aussi saisir ces luttes, non pas comme on va faire comme eux, ou prendre exemple sur eux, ou des choses comme ça. C'est chacun à son lieu, en quelque sorte, à construire une forme de vie sociale. Je pense que la résistance, elle n'est même pas tellement la lutte, c'est plutôt, comme on peut voir avec la ZAD, c'est plutôt un prétexte à ce que les gens se rencontrent et qui décident de faire quelque chose ensemble et de commencer à de donner on peut dire, le premier embryon, le tout petit, petit, petit, petit embryon, le plus minuscule embryon d'une relation, d'un début de vie sociale, d'un début d'une vie collective. Et que cet embryon, effectivement, peut petit à petit prendre des proportions plus importantes. Mais c'est vraiment comme ça, vraiment au quotidien, en quelque sorte, j'ai l'impression que les choses se font. Et donc, et c'est à la limite, le mot d'ordre qu'ils peuvent avoir, par exemple, les apatistes, ils disent, mais organisez-vous, quoi. Organisez-vous. C'est-à-dire, organisez-vous, mais bon, parce qu'il y a, s'ils ne sont pas millénaristes, ils sont peut-être apocalyptiques. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sens de se trouver dans un monde apocalyptique. Et donc, dans ce monde apocalyptique, dans cette catastrophe, le seul recours, c'est d'essayer de s'organiser, de commencer à former au niveau embryonnaire une vie sociale. Parce que, à la date, je suis allé dernièrement, là, ils m'ont invité pour aller. Mais alors ils demandent, ah oui, mais bon, que faire, et tout comme ça. Mais ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de le faire. Ils montent d'une manière en train de tâtonner, je vois si un souci, on fait des erreurs, on revient, on n'arrive pas à s'entendre avec un tel, on va essayer d'organiser autrement. Ils, vraiment, bon, comme ça, je vous dirais, petit à petit, très. Et je pense que, c'est ça, quoi. C'est uniquement cela, quoi. C'est vrai que des peuples comme Mapuche, bon, les peuples mayas du Chiapas, les apatistes, les Huichols, par exemple, qui sont aussi un peuple important et qui repose sur des traditions solides, qu'ils ont su préserver malgré la colonisation, etc. Donc, voilà, ils s'appuient là-dessus pour résister. Ils ont déjà des éléments importants, forts, bon, qu'ils ont puisés dans leur vie, puis qu'ils n'ont pas totalement perdu. Mais quand, bon, on a pratiquement tout perdu pour repartir presque de zéro, mais bon, voilà, c'est comme ça, à mon sens. Il y a aussi une chose qui me paraît importante, c'est justement de saisir ce que tu dis. Exactement. C'est-à-dire de saisir, de se sentir, en fin de compte, bon, sur la même longueur d'onde que ces gens-là, que ces peuples. De voir leur aspiration, de reconnaître dans leur aspiration de construire une autre vie sociale, notre propre aspiration, notre propre souhait. Et moi, je pense que c'est ça qui aussi qui fait la solidarité. La rencontre avec des gens. Oui, c'était juste une simple question que je voulais poser tout à l'heure par rapport à la critique que vous apportez sur l'ouvrage de Niscola, par de la nature et culture. Est-ce que vous avez entretenu un dialogue avec lui, et si oui, quel était le fruit de ce dialogue, hein? Il m'impressionne un peu de Niscola, parce que bon. C'est un ponte universitaire, etc. Bon, mais ce que maintenant, bon, c'est aussi bon. Je pense que c'est quand même. Je sais pas si j'ai l'occasion de le voir. Ce serait avec plaisir que je discuterai avec lui. Je débattrai avec lui. C'est un grand plaisir et justement lui faire part un peu de mes réticences. Ceci dit, voilà. Bon. Je pense que, quand même, je fais un peu la critique de l'anthropologie en elle-même. On voit bien que l'anthropologue, il suit le missionnaire. Il y a d'abord, on a envoyé les missionnaires, c'est-à-dire, voilà, ceux qui ont été habilités à convertir l'autre à la civilisation, c'est-à-dire à nous, de faire en sorte que l'autre ne soit pas reconnu, même s'il y a des, comme Lénard, dont je cite, qui a une sorte de respect de l'autre, de voir l'autre dans sa différence. Au moins, il saisissait l'autre dans sa différence. Mais, pour que cette différence disparaisse, pour l'assimiler, pour l'intégrer, pour qu'il fasse. Mais Bon, les anthropologues, ils suivent un peu cette même logique. Ils étudient les autres, mais dans quel but exactement, quoi? Est-ce qu'ils sont toujours sur la même route? Ils viennent après, ils sont plus les représentants de l'État, peut-être l'État colonial, que le missionnaire qui est représentant de l'Église catholique ou de l'Église protestante, mais sont les représentants d'un monde. Et donc, leur vision qu'ils ont des autres est pas elle est dans cette relation, dans la relation d'un monde avec ce qui a formé les anthropologues et qui paye les anthropologues, et dans cette relation avec un autre qui n'est pas saisi sur un même rapport. L'anthropologue, il n'est pas... Bon, il y a des anthropologues, heureusement, qui peuvent être bouleversés par la rencontre de l'autre. Mais en général, il n'est pas bouleversé par la rencontre de l'autre. Il cherche à le comprendre, mais c'est différent. Alors, que dans un échange réel, où l'autre est respecté dans ce qu'il est, il peut y avoir un échange, mais on n'essaie pas de le comprendre, de l'intégrer. On peut établir des relations d'échange, c'est-à-dire des échanges, cérémoniels, par exemple. Hein? Qui fait que, bon, l'autre est reconnu dans sa différence, où il y a une forme de défi de l'humanité, mais le travail d'anthropologue, il ne se joue pas sur ce plan-là. On se joue plus sur le plan de comprendre l'autre pour le faire disparaître. Il y a eu un scandale dans l'état de Oaxaca, c'est la piraterie, la géographie, la géopiraterie, un truc comme ça. C'est-à-dire, il y a des anthropologues, des universitaires venus de San Luis Potosí, l'université du Mexique, l'université du Texas, je ne me souviens plus de quoi. Et ils ont demandé, ils ont été dans la Sierra Norte de Oaxaca, en disant, on va étudier un peuple. Ils ont demandé donc la permission aux gens, bon, universitaire, on va vous étudier. On va faire la géographie, mais une géographie, de la manière de vivre des habitants, leur environnement, leurs ressources, comment ils font, tout ça. Donc, dans le détail, vraiment très très détaillé. Les gens, ils ont accepté. On dit, bon, waouh. Bon, ils veulent faire la géographie du village, tout son environnement, toutes ses recherches. Ils ont accepté. Puis après, ils se sont rendus compte que tout ce travail était payé par l'armée des États-Unis. Et donc, le but, on voulait bien les étudier. L'autre, on l'étudiait. Les anthropologues étaient là pour les étudier. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Quelle est l'idée qu'il y avait derrière? Peut-être les anthropologues qui étaient là pour étudier dans le détail la vie des peuples, ils étaient peut-être de bonne foi. Je ne veux pas me dire qu'ils étaient de mauvaise foi. Mais quoi? Derrière, quand même, ils étaient bien manipulés. Parce que, justement, à Fort North, qui est justement là où finalement, avait permis le génocide aux États-Unis des Indiens, c'était les fameux tuniques bleues, et qui maintenant font des jeux. Ils venaient d'Afghanistan. Ils disaient, ah ben oui, en Afghanistan, c'était vraiment... Il fallait connaître la vie des gens, comment ils vivaient, de quel moment ils se nourrissaient. C'était très intéressant pour au niveau de notre état-major pour pouvoir les tuer, quoi, en quelque sorte. Donc, il y a quand même un peu cet aspect-là, quoi. Il faut peut-être ne pas non plus l'oublier. C'est pour ça qu'actuellement, l'armée américaine et la CIA recrutent beaucoup plus d'ethnologues et d'anthropologues que d'aventuriers qu'ils envoient sur le terrain. Quand on voit les offres d'emploi qu'ils proposent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que, je vais te poser une question. Est-ce que tu as lu un gars qui s'appelle Malinowski qui a étudié les peuples de la Malinésie, parce que ce que tu disais sur l'échange et sur tout ça. Et en fait, lui, il est allé dans ces îles là-bas, et il raconte beaucoup sur l'importance de l'échange et de la construction sociale, et de l'échange de choses qui sont insignifiantes, mais en fait, c'est tout le parcours à travers les îles, la préparation des pirogues, les relais qu'il faut avoir, donc les amis qu'il faut avoir partout, tout ça et tout. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'il raconte, et c'est très très beau, quoi. C'est une poésie que nous, ici, en Occident, on a un mal fou à comprendre, parce que tout doit être utilitaire, parce que tu vas à un endroit, il faut qu'il y ait telle ligne, ou tout ça et tout. Et eux, c'est vraiment dans ce que tu disais sur cette histoire de relation, d'échange avec les animaux, les plantes, ou entre eux et tout. Ça se pratique dans beaucoup, ça se pratiquait ou ça se pratique toujours dans beaucoup d'endroits du monde. Je cite souvent Malinowski, parce que justement, il a bien précisé deux formes d'échange avec, d'une part, les jardins de corail, où c'est l'échange social au niveau de la réciprocité avec tout le système de l'ancêtre, et ça c'est l'aïeul, c'est une femme qui est l'ancêtre de la terre, et donc si bien ça amène, et donc ce sont les femmes, mais les femmes, elles, en se mariant, ils vont de la région de leur mari, c'est patrie locale, comme ils disent. Donc ça entraîne un échange au niveau social des produits du jardin. Donc ça fait qu'au moment des récoltes, ça circule de partout sur le territoire des iguanes, et avec justement le côté un peu luxueux, de fier de pouvoir apporter au beau-frère ou à la belle-sœur, voilà, le prix de l'igouane. Donc il y a tout un système d'échange, de réciprocité. Et avec la réciprocité, on pourrait dire que c'est l'échange dans sa dimension sociale, quoi. Et de l'autre, avec les argonautes du Pacifique, ils parlent d'un autre type d'échange, qui est plus l'échange de type cérémoniel, c'est-à-dire avec d'autres sociétés, avec d'autres tribus. Il demande une expédition et qui est un peu un au-delà de l'échange social lui-même, quoi, de la dimension de la réciprocité. Il y a une dimension beaucoup plus large, avec les fameux échanges de bracelets, de colliers. Et donc, c'est vrai, c'est promis en anthropologue. Bon, je me demande si c'était là, moi j'ai cité l'anthropologie, mais bon. Ils ont quand même de terrain, comme Malinowski, et d'autres, Glossowski, tout ça, bon, ils nous apportent, justement, nous permet d'apercevoir, d'avoir un coup d'œil sur une autre forme d'échange que l'échange capitaliste, l'échange purement marchand, qui est un échange qui se rapproche le plus du troc, en quelque sorte. Le marchand se vient comme médiateur, comme intermédiaire dans un échange qu'on peut assimiler au troc, et qui, au niveau primitif, est l'échange relativement méprisé, parce qu'il n'a pas de dimension sociale, il n'a aucune dimension sociale, c'est privé, même si le privé, ça peut être un groupe de paysans et un groupe de pêcheurs, mais c'est quand même, il n'a pas de la dimension des jardins de corail, ni des agronautes, c'est privé. Donc c'est bizarre que ce soit l'échange le plus pauvre qui est devenu le seul échange qu'on connaît, presque, au moins qui est devenu l'échange dominant. Parce que tout le qui a perdu justement cette dimension sociale et cette dimension publique qu'avaient les autres formes de l'échange. On voit bien par exemple, mais à la base de toutes ces histoires d'échange, que ce soit le troc, que ce soit l'échange réciproque, que ce soit l'échange cérémoniel, à la base de l'échange, à mon sens, ce qui fait l'humain de l'échange, c'est le don. Quoi qu'il en soit, il y a cette dimension. Et là, pour ceux qui ont été au Mexique, qui sont approchés des peuples, ils saisissent cette dimension. Même au niveau du troc, c'est le don. C'est rare que le troc soit un échange de type marchand où c'est bien, on dit, ouais, je te donne ça, mais toi tu me donnes ça et ça, où les différents trucs de l'échange sont prédéterminés à l'avance. On donne d'abord. On donne. Et c'est l'autre à apporter autre chose, plus ou moins équivalent. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, on sent bien que même au niveau de l'échange le plus simple, le plus réduit, il y a cette notion de don. Et quelle. Il n'y a pas de plus contraire à cette notion qui fait l'humain, en quelque sorte, que l'échange marchand. Jamais. Je crois que c'est Benjamin Perret, dans un livre, il a écrit sur le Mexique. Je pense que c'est lui. Il a écrit sur une tribu où, justement, il y a le don, mais quand il y a le don, celui qui reçoit, il tourne la tête et il s'en va en courant. Il n'y a pas d'échange ni de rien du tout. Il prend, il s'en va et c'est... C'était Charles MacDonald, là, quand il était venu, c'est un anthropologue qui était sur Aix, quelqu'un avec qui petit à petit, bon, elle fait 68, et plutôt dans les mouvements gauchistes, et puis petit à petit, à force de fréquenter des peuples sans État, il a travaillé avec les... Enfin, il a vécu avec les Palawans qui sont aux Philippines. Et petit à petit, il s'est rapproché un peu des thèses de classe et tout ça. Et c'est un gars qui a découvert en gros l'anarchisme grâce aux Palawans. Et bon, alors, il nous a raconté plein de trucs sur la façon dont vivaient les Palawans. En gros, c'est des peuples qui font tout pour échapper à l'État. Et il y a aussi un autre mec qui a écrit un truc qui s'appelle Zomia, un livre qui s'appelle Zomia. C'est des zones entières dans toute l'Asie du Sud-Est de gens qui font tout pour éviter les États, enfin bref, pour revenir aux Palawans et aux dons, là, dans ce que tu disais, il disait que c'était les gens, faire un don, ça peut être très très humiliant, et il faut qu'il y ait un échange. Ah ouais, donc donner, mais si l'autre il n'a rien à donner, c'est comme si tu l'insultais. Donc c'est, alors c'est pas du troc, mais c'est tu donnes, mais il faut que tu donnes mieux, plus quoi, dans l'autre sens. Quoi. Est-ce que cet échange, il est que sur de l'utilitaire ou du gaz? D'une production. Ah non, ça peut être des services, ça peut être quelque chose. Tu disais entre pensée, cette séparation entre pensée, action qui n'ont pas et tout, est-ce que ça peut être ça aussi, c'est-à-dire on reçoit quelque chose d'utile et puis on le rend par, je sais pas, par une discussion. Par un service aussi, ça peut être aussi. Par un échange, par une relation qui s'entend. Oui. Ah oui, mais bon, de toute façon, voilà, je suis d'accord. Moi, j'ai rien à dire, mais vous pouvez parler entre vous. Hein, Salut. Non, c'est marrant parce que dans les débats qu'on organise, on revient souvent au peuple sans État. Alors évidemment, nous, on est dans des sociétés, on est très très loin de là, mais c'est un espèce de mythe qui revient régulièrement. Mais c'est bien de se baser sur ces expériences. On sait qu'on ne vivra pas comme les Palawans des Philippines, mais c'est ce qu'a dit Marc. Il y a des expériences à la ZAD, ils font des choses. Alors bon, ça c'est à la campagne, mais en ville, on pourrait imaginer des expériences sur les quartiers aussi. On n'est pas si loin que tout ça. De toute façon, hein, soit du don, c'est l'histoire du pot de confiture à la voisine, quoi, de toute façon. Non. Donc c'est quand même quelque chose de si proche de l'humain qu'on a du mal à totalement l'ignorer, quoi. Totalement faire table rase de ça. Donc mais c'est quand même des éléments sur lesquels il faut s'appuyer, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à mon sens. Il n'y a pas non plus à chercher midi à 14h quelquefois. Alors moi je voudrais, pour changer un tout petit peu, indiquer un roman d'un grand écrivain anglais, Lawrence, et qui se passe au Mexique et qui s'appelle Le Serpent à plumes. C'est vraiment un roman qui est très très beau et très très intéressant à lire. Moi j'en ai gardé un très bon souvenir de ce roman. Tu l'as peut-être lu? Oui, mais il y a longtemps. Ah ouais. Voilà. Il y a une maison d'édition qui s'appelle ça. Ah oui. L'âge d'homme, je crois. Alors c'était Laurence, pas Diatch, je ne sais plus comment c'était quoi son prénom à ce Laurence-là. C'est pas Laurence d'Arabie, hein, c'est un nom. Non, il y a deux Laurence. Il y a celui qui a écrit L'amant de Lady Chatterley, c'est pas lui. Et il y a celui-là dont j'ai oublié le prénom. Terence, c'est ça. Ouais. Et ça se passe au Mexique pendant la Révolution, et il y a deux personnages. Il y en a un qui veut prendre le pouvoir, et il y a l'autre qui essaye de le tuer. Alors il y a quand même une action, mais ce qui est intéressant, la façon dont les choses sont vues. Le serpent à plumes, c'est Quetzalcoatl. Oui. Le serpent aux plumes de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, c'est un oiseau aux plumes vertes. D'autres d'autres interventions, on continue à discuter autour d'un verre. Alors, ben, merci d'être merci passé par chez nous. Merci de votre participation. C'était très intéressant. Très content de vous avoir intéressé. Et je crois que tu pars au Mexique bientôt. Demain. Ah, ben, demain. C'est pour ça qu'on avait annoncé une semaine. Donc, le bouquin, c'est directement à Georges.